Aux questions « Qu'est-ce qui vous mobilise ?» et « Qu'est-ce que vous faites pour agir ?», les Français ont répondu à notre enquêteur. Écoutez-les. 1. Je crois qu'il faut continuer à lutter pour l'égalité des sexes au travail. Les salaires sont encore inégaux et les accès aux postes à responsabilité très rares pour les femmes. C'est totalement injuste. Aux élections, moi je vote toujours pour une femme, quand il y en a une. 2. Je trouve qu'il y a trop de gens qui ont rien à manger. On les voit à la télé et je trouve ça triste. Quand les magasins font la journée de la banque alimentaire, j'achète des produits avec mon argent de poche et je leur donne. 3. J'ai créé une association pour défendre la mixité sociale dans mon quartier. Les loyers deviennent tellement chers que beaucoup de gens sont obligés de partir. Résultat, il n'y a plus que des bureaux et des appartements de standing. Quand j'ai démarré mon assos, j'étais toute seule. Maintenant, on est 158. Et on s'investit tous beaucoup. 4. Je n'ai pas de famille. Depuis plusieurs mois, je réfléchis à parrainer un enfant du tiers-monde. Ça veut dire envoyer régulièrement de l'argent pour l'école, la santé et pouvoir suivre son parcours. Mais c'est un engagement à long terme, hein ? 5. Moi, je milite dans les associations anti-racisme. Je participe à tous les forums possibles en Europe. Je trouve tous les mouvements d'extrême droite très dangereux. Il faudrait les interdire. J'irai jusqu'à occuper le Parlement européen s'il le faut. 6. Le jour où j'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose, j'ai adhéré au NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Que voulez-vous, hein, on ne peut pas passer son temps à râler contre les pouvoirs de l'argent et puis rester les bras croisés. Depuis 3 ans, je milite et je me sens mieux.